الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Donc ce qui suit est une tentative de traduction du livre intitulé « Mahiya al-Salafiyya ». Qu'est-ce que la salafiyya? Qu'est-ce que le salafisme? Naam, salafiyya qui... Ce terme, on retrouve à la bouche de beaucoup de gens à notre époque. Tantôt sa forme d'origine, al-Salafiyya, tantôt sous sa forme francisée, le salafisme. Si on en vient parfois à utiliser le terme salafisme, c'est afin de faire comprendre aux auditeurs novices, notamment non musulmans, de quoi on parle. Car parfois on se rend compte que certains n'arrivent pas à se rendre compte que salafiyya et le salafisme, au final, ça vise la même chose. Bien que lorsqu'on peut s'en penser, on s'en passe, car le terme salafisme, avec cette terminaison en isme, sonne souvent mal à l'oreille. On peut avoir l'impression que ça a une connotation péjorative, alors que bien sûr ce n'est pas le cas. Pour notre part, on va certainement ici utiliser le terme salafiyya, na'am. Donc, entre parenthèses, ça désigne ce qui est appelé en langue française le salafisme, et je me contenterai donc de cette allusion qui, inshallah, me dispensera de d'apporter la précision à l'avenir. Le cheikh Abdullah al-Bukhari a dit: les louanges reviennent à Allah, nous le louons, lui implorons son aide et son pardon. C'est auprès d'Allah que nous cherchons protection contre les vices de nos personnes et nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque il égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, unique sans associé, et que Mohammed est son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah le couvre d'éloges et le salue. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez la foi, craignez pieusement Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. Surat Ali Imran, verset numéro 102. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô gens, craignez votre Seigneur souverain, qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui à partir d'eux a répandu sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez pieusement Allah, au nom de qui vous vous interpellez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Sourate An-Nisa, verset numéro 1. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui avez la foi, craignez pieusement Allah et parlez avec droiture. Il améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Al-Ahzab, versets 70 et 71. Cela étant dit, le discours le plus véridique est le livre d'Allah. Et la meilleure des voies est celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses en religion sont celles qui y sont inventées. Toute nouveauté en religion étant une hérésie, toute hérésie un égarement, et tout égarement est un enfer. En outre, je commencerai par adresser la louange à Allah en lui attribuant tout bien. Car aucun profit n'est obtenu si ce n'est avec son aide. Or, parmi les plus conséquents des dons et bienfaits qui nous est accordé, cette rencontre dans cette ville bénie qu'est la Mecque, c'est ainsi que nous nous réunissons dans une des demeures d'Allah afin de l'évoquer. Effectivement, donc cette conférence a été donné dans Jami' Faqih, dans le quartier d'Al-Aziziyya,

Et il ne répond pas au mal par le mal, mais il est indulgent et pardonne. Et Allah ne prendra pas son âme avant qu'il n'ait par son biais redressé la communauté déviante qui dira « La ilaha illallah » et par laquelle il ouvrira des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs scellés. At-Tirmidhi a recueilli dans Al-Jami' et dans Al-Shama'il, ainsi qu'Ibn Majah dans ses Sunan, par une chaîne de transmission authentique, qu'Anas, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agré, a dit « Le jour au cours duquel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arriva à Médine, toute chose s'y illumina. Tandis que le jour de sa mort, tout s'y assombrit. Et lorsque nos mains ont quitté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions en train de l'enterrer, nous nous mîmes à réprouver nos cœurs. Cette expression exprime le sentiment de détresse dû à la perte du maître des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, et à l'adversité que les compagnons rencontrèrent en ce moment, à tel point qu'ils réprouvèrent leur propre personne, suite à l'énorme tristesse qui les envahit à cause de cette séparation et de l'interruption de la révélation. Et on peut consulter concernant ce point-là les commentaires apportés par l'érudit, le Cheikh Al-Albani, dans Mukhtasar Al-Shama'il Al-Muhammadiyya à la page 197. L'imam Al-Bukhari a mentionné dans son recueil authentique, d'après Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait le vendredi auprès d'un arbre ou d'un palmier. Une femme ou un homme parmi les auxiliaires, c'est-à-dire Al-Ansar, les auxiliaires, ce sont ces musulmans croyants originaires de la ville de Médine qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui y émigrèrent en provenance de la Mecque. Donc un homme ou une femme parmi eux, c'est-à-dire parmi les auxiliaires, parmi les ansars, dit un jour au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne te confectionnerions-nous pas une chaire, c'est-à-dire un mimbar? Si vous le souhaitez, répondit-il. Ils s'exécutèrent. Et lorsque vint le jour du vendredi, il fut orienté vers cette chaire. C'est alors que le palmier poussa le cri d'un nouveau-né. Le palmier, auprès duquel il se tenait le vendredi pour dispenser son serment, sallallahu alayhi wa sallam. Ce palmier se mit à pousser le cri d'un nouveau-né. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit alors et le serra contre lui. Il gémit alors tel un enfant que l'on est en train de bercer. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il pleurait à cause du rappel qu'il entendait auprès de lui. C'est pour cela que l'imam al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, pleurait lorsqu'il rapportait ce hadith. Il pleurait lorsqu'il rapportait ce hadith. Il disait, oh musulman, un morceau de bois soupire par désir de rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à vous, vous devriez encore plus désirer cela. Et ce récit, on peut notamment le retrouver dans Siyar A'lam al-Nubala, ainsi que dans Mukhtasar Tarikh Dimashq. Après ce préambule, le sujet de cette conférence, comme vous avez pu l'entendre, est vaste. Qu'est-ce que la salafia? Cependant, étant donné que ni le temps ni le contexte nous permettent de traiter le sujet sous tous les angles, j'ai sélectionné un certain nombre de points afin de les développer quelque peu. Et vous retrouvez donc ces points dans les carnets qui vous ont été distribués, qui constituent donc une présentation de cette conférence, une présentation de ce livret. Le premier, le sens linguistique du mot salaf. Le second, qui sont les salafs en termes religieux? Troisième, certaines appellations religieuses désignant les salafs. Le quatrième, la valeur religieuse du fait de se conformer, de s'affilier à la salafiyya. Cinquième, le mérite résidant dans le suivi des salafs et du salafisme. Salafiyya. Le sixième, quelques signes distinctifs et grandes lignes de la voie salafi, de la salafiyya. Et enfin, la conclusion contenant certaines paroles éblouissantes relatives au sujet. Concernant le sens linguistique du mot salaf, il faut savoir que les lettres sin, lam et fa, qui sont donc les trois lettres de l'alphabet arabe qui constituent le mot salaf, ces trois lettres-là constituent la racine de termes indiquant une notion de précédence, comme on peut le trouver dans Mu'jam Maqayis al-Lughah ibn Faris. Le terme salaf en langue arabe signifie donc celui qui précède. Et il fait partie avec les termes aslaf, suluf et sulaf des pluriels du mot salif, qui est utilisé pour indiquer quiconque te précéderait parmi tes proches ou autres. C'est dans ce sens que l'on trouve qu'Allah, Jalla wa Ala, a dit dans le Coran, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Dans la sourate Az-Zukhruf, verset 56, nous fîmes d'eux un antécédent, salaf, et un exemple pour la postérité. Imam al-Baraoui a dit dans son exégèse, lors de son explication de ce verset, les salafs sont ceux qui ont précédé parmi les ancêtres, ainsi le sens voulu est, et nous en avons fait des ascendants, afin que se rappellent ceux qui leur succéderont. De même qu'Allah a dit, dans ce sens, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ. Et vous était interdit que vous réunissiez deux sœurs, exception faite pour ce qui est passé. Salafa. Surat al-Nisa, verset numéro 23. C'est-à-dire que vos agissements antérieurs vous sont pardonnés. Ainsi la faute commise dans le passé n'est pas prise en compte. Mais cela n'implique pas la permission de l'acte. Cela n'implique pas la permission de l'acte, à savoir le fait, na'am, de réunir deux sœurs. Donc en se mariant avec deux sœurs, en les réunissant, en se mariant avec les deux. C'est donc dans ce sens-là que l'on dit qu'un tel a de nobles salafs. C'est-à-dire des ancêtres, comme l'a dit Raghib al-Asfahani dans son livre Al-Mufradat. Mufradat al-Qur'an. C'est un livre dans lequel l'auteur Raghib al-Asfahani a expliqué des termes présents dans le Qur'an dont la compréhension peut être complexe. Tandis que l'érudit Ibn al-Athir et le grand linguiste Ibn Mandour ont spécifié cela en disant que ce sont ceux qui t'ont précédé en âge ou en mérite. En âge ou en mérite. Donc le terme salaf, ça désigne celui qui a précédé. Comme on le trouve dans ces quelques références, notamment dans Mufradat al-Qur'an de Raghib al-Asfahani, et de manière plus précise, comme l'ont indiqué Ibn al-Athir dans An-Nihaya. An-Nihaya, quant à lui, c'est un livre qui traite des termes qui peuvent être complexes et qui sont rapportés dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi que le grand linguiste Ibn Mandour dans l'Isan al-Arab, nous ont précisé, ils ont spécifié en disant qui t'ont précédé en âge ou en mérite. Ainsi, Ibn Mandour disait, les salafs sont ceux qui t'ont précédé parmi tes aïeux et tes proches qui te devancent en âge ou en mérite. C'est pour cela que la première génération de ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été appelé as-salafu salih. As-salafu as-salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Et nous allons voir plus tard, incha'Allah, qui est désigné par ce terme as-salafu salih. Et donc, quand on dit les pieux prédécesseurs, ça vise as-salafu salih. Parmi ceux qui appuient cela, il y a ce qui a été recensé dans les deux recueils authentiques, dans un hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha. Ce hadith est d'ailleurs précédé d'un récit. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une confidence à l'oreille de sa fille Fatima radiallahu anha. C'est alors qu'elle se mit à pleurer. Lorsqu'il la vit et se rendit compte de sa tristesse, il lui révéla à nouveau quelque chose. Et cette fois-ci, elle rit. Aïcha la questionna donc, mais ne lui dévoila rien. Puis plus tard, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, elle la questionna à nouveau. Elle lui répondit alors, quant à la première fois qu'il m'a parlé, il m'a informé que Jibril lui récitait chaque année le Coran une fois, et que cette fois-ci, il lui avait lu à deux reprises, et il m'a dit, à mon avis, ma fin est proche. Crains donc Allah et endure, car quel bon salaf je suis pour toi. J'ai donc pleuré comme tu l'as vu. Dire Fatima qui dit cela à Aïcha radiallahu anha, radiallahu anhuma. Puis lorsqu'il vit ma tristesse, il me révéla une seconde chose, me disant, ô Fatima, n'acceptes-tu pas d'être la reine des femmes des croyants ou des femmes de cette communauté? J'ai alors ri comme tu l'as vu. L'érudit, An-Nawawi, a dit en commentant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel bon salaf je suis pour toi, dans Sharh Muslim, le salaf, c'est celui qui précède. Il a donc voulu dire, je te précède et tu me rejoindras. Le sens linguistique est ainsi établi à travers donc, ces quelques citations. Ce qui nous amène au second point, qui sont les salafs en termes religieux? Et vous êtes certainement habitués à cela, le fait que les ulama, bien souvent, abordent la définition des termes qu'ils utilisent, notamment les mots-clés importants, ils abordent leur définition au niveau linguistique d'une part, au niveau religieux d'une autre. Il y a un lien entre ces différents sens, mais on trouve que l'acception religieuse de certains termes peut présenter certaines spécificités qui ne sont pas présentes dans l'acception purement linguistique. Donc nous savons désormais que les salafs sont ceux qui nous ont précédés dans l'âge ou le mérite. À présent, nous allons nous pencher sur la définition de ce terme d'un point de vue religieux. Allah, Jalla wa Ala, a dit dans son noble livre, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوعًا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont convenablement suivis, Allah les agrée et il l'agrée, et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Sourate At-Tawbah, verset numéro 100. On trouve dans les deux recueils authentiques, et évidemment lorsqu'on parle donc des deux recueils authentiques, on vise ceux d'Al-Bukhari et de Muslim. On trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Viendront ensuite des gens dont le témoignage précédera le serment, et dont le serment précédera le témoignage. Les termes mentionnés ici sont ceux recueillis par Al-Bukhari. Tandis qu'on trouve dans l'authentique de Muslim, que Aïcha radiallahu anha a rapporté qu'un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, quels sont les meilleurs gens, la génération de laquelle ou à laquelle j'appartiens, puis la seconde, puis la troisième, répondit-il. La génération à laquelle j'appartiens, puis la seconde, puis la troisième, répondit-il sallallahu alayhi wa sallam. Et les paroles prophétiques dans ce sens sont nombreuses. Elle prouve ainsi que les versets qui ont précédé, notamment le verset de la sourate At-Tawbah, la supériorité des compagnons, radiallahu anhum, que ces derniers sont les meilleurs des membres de cette communauté après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'ils sont nos salafs, nous précédant dans le mérite, le savoir et la foi. Donc on retrouve dans ces quelques textes-là, notamment ces hadiths, la mention des trois premières générations de cette communauté à leur tête, la génération des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci dit, une question importante se pose. Est-ce que la détermination de la durée dans les récits d'Ibn Mas'ud Aïcha et autres est suffisante pour délimiter la portée du mot salaf dans son acception religieuse. Autrement dit, est-ce que tous ceux qui ont vécu à cette époque bénie font partie des salafs desquels on doit prendre exemple? La réponse est un non catégorique. Pourquoi? Car il est obligatoire d'ajouter une précision importante qui est la conformité aux préceptes du livre et de la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est pour cela que tu vois que les imams de la sunna mentionnent cette condition, cette précision-là, afin que ceux qui font partie des mauvais prédécesseurs ne soient pas considérés parmi ceux qui ont vécu à cette époque et n'ont ni pris en compte leur compréhension ni suivi leur voie. Et comme il est dit, la réalité est le meilleur témoin. Les Qadariyas ne sont-ils pas apparus à l'époque d'un certain nombre de compagnons? Les Qadariyas, les Qadarites, ce sont ceux qui ont adopté un discours déviant à propos du sujet du Qadar, c'est-à-dire du destin, de la prédestination et du décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne sont-ils pas apparus à l'époque d'un certain nombre de compagnons, le hadith d'Ibn Mas'ud, d'Ibn Omar, excusez-moi, qui se désavoua d'eux, et d'ailleurs connu, c'est même le premier récit que l'on trouve dans l'authentique de Muslim. Retournez à l'authentique de Muslim, Sahih Muslim, et revenez au premier des récits qui s'y trouvent, au premier des hadiths, après l'introduction. Vous trouverez le hadith de Jibril, précédé du récit d'Ibn Omar, lorsque le discours des premiers Qadarites lui a été présenté. Et il est important d'y revenir, notamment pour se rendre compte de la réaction qu'il eut. Radiallahu anhuma. Le shir de continuer en disant, les Khawarij se sont quant à eux soulevés contre Ali et d'autres parmi les compagnons, ridwanullahi alayhim, alors qu'ils vécurent parmi eux. Et lorsqu'Ibn Abbas débattit avec eux, là aussi, barakallahu fik, c'est important que tu connaisses ce récit-là, le récit d'Ibn Omar, le récit d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, avec les Khawarij. Je sais que tu peux retrouver notamment dans Al-Mustadrak, Al-Hakim. C'est un récit très important. Lorsqu'Ibn Abbas débattit avec les Khawarij, comme cela est relaté entre autres dans Al-Mustadrak d'Al-Hakim avec une chaîne de transmission authentique, il leur dit, afin de prouver leur égarement, regardez, il n'y a parmi vous aucun d'entre eux. Il visait par eux les compagnons. Et cela fut suffisant pour prouver l'égarement des Kharijites. Cela fut suffisant pour prouver l'égarement des Kharijites. Ibn Abbas s'est présenté à eux et ils ont échangé. Et parmi les propos qu'il a tenus, radiyallahu anhuma, le fait qu'il leur ait dit je viens à vous chez les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a parmi vous aucun d'entre eux. Et il a utilisé ce fait afin de prouver qu'ils étaient dans l'erreur et dans l'égarement. Le shaykh de continuer en disant, le simple fait que l'individu précède dans le temps ne suffit donc pas pour qu'il soit considéré tel un pieux prédécesseur. D'ailleurs, l'imam muslim a recensé dans l'introduction de son recueil authentique que Ali ibn Shaqiq a entendu Abdullah ibn Mubarak dire en s'adressant aux gens, délaissez ce que rapporte Amr ibn Thabit, car il insulte les salafs. Sachant que le terme salaf dans ce contexte désigne les compagnons. Par ailleurs, un grand nombre de ulama ont expliqué cette appellation, c'est-à-dire as-salafiyya. À titre d'exemple, l'imam de la sunna, Ahmad ibn Hanbal, que Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son célèbre opuscule intitulé Usul al-Sunna, les fondements de la sunna à nos yeux sont l'attachement à la voie sur laquelle cheminaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son suivi fidèle. L'imam al-Safarini, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, a dit dans son livre « Lawami al-Anwar », ce qui est voulu par la voie des salafs, C'est la voie sur laquelle cheminaient les nobles compagnons, et ceux parmi leurs successeurs qui faisaient preuve de droiture, ainsi que ceux qui les ont suivis, les imams de la religion, parmi ceux dont l'imamat est avéré, et qui ont été reconnus pour leur haut rang religieux, et dont les gens se sont transmis les paroles de génération en génération, excepté ceux qui auraient été accusés d'hérésie, ou qui se seraient fait connaître par une appellation, ou une appellation peu glorieuse, comme c'est le cas des Kharijites, des Rafidites, des Qadarites, des Murjites, des Jabrites, des Jahmites, des Mu'tazilites, ainsi que des Karzamites et de leurs semblables. Autant de noms de sectes qui se sont égarés dans divers domaines religieux, qui se réclament de l'islam, tout en s'étant écartés de la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Abdallah de continue en disant, notre cheikh, le grand savant Muhammad Aman, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde son pardon, a dit dans son livre « As-Sifat al-Ilahiyya » « Fi dawi al-kitabi wa sunnah » comme vous pouvez le trouver à la page 57. Nous ne visons par le terme « salaf » lorsque nous l'utilisons que les compagnons du messager d'Allah « sallallahu alayhi wa sallam » qui furent présents à son époque et qui apprirent directement de lui cette religion. Que ce soit ses fondements ou ses ramifications. De la même façon que ces termes incluent ceux qui les ont suivis et qui héritèrent sans tarder de leur savoir et qui furent visés par l'attestation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses éloges lorsqu'il dit les meilleurs gens. Jusqu'à la fin du hadith que l'on a déjà cité précédemment. La portée de ce terme s'étend également aux disciples de ces derniers, c'est-à-dire les disciples des compagnons. Il y a les compagnons as-sahaba. Il y a leurs disciples, At-Tabi'oun. Il commença à apparaître lorsque survint la divergence entre les groupes déviants et que chacun essaya de s'affilier aux plus prédécesseurs en prétendant que sa voie n'est autre que celle sur laquelle ces derniers cheminaient. Ainsi, il fut nécessaire que les grandes lignes et règles de la voie salafie soient mises en avant et fermement établies afin que l'affaire ne soit pas confuse pour quiconque souhaiterait suivre les pieux prédécesseurs. Il a également dit dans un autre passage, toujours du même livre, à la page 64, Sifat al-Ilahiyya, Fidawi al-Kitabi wa Sunnah, il apparaît à présent, suite à ce que nous avons démontré, que le sens de la salafiyya est devenu une terminologie désignant la voie empruntée par la première génération de musulmans et par ceux qui les suivent. Dans quel domaine? Dans l'apprentissage du savoir, dans la façon de le comprendre et dans la manière d'y prêcher. Il ne convient donc pas de la cantonner, c'est-à-dire de la réduire à une période particulière. Il faut plutôt qu'elle soit considérée comme un principe ininterrompu. De même qu'il est primordial de se rendre compte de la nécessité de restreindre ce groupe sauvé aux ulama du hadith et de la sunna, ainsi qu'aux adeptes de cette voie qui ne cessera d'exister jusqu'au jour de la résurrection. Cela en se basant sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une partie de ma communauté ne cessera d'être secourue dans son attachement à la vérité, ne leur nuiront point ceux qui s'opposent à eux ou les désertent. » Je dis, c'est-à-dire le cheikh Abdullah al-Bukhari, le hadith qu'il a mentionné, c'est-à-dire cheikh Mohamed Aman, est unanimement reconnu authentique d'après Muawiya et rapporté de Muawiya radiyallahu anhu. Nous connaissons donc à présent le sens religieux du mot salaf. Il désigne les compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui auront convenablement suivi ces derniers jusqu'au jour de la rétribution en empruntant leur voie et en suivant leurs traces. Et cela nous mène au troisième point. Le troisième point, à savoir certaines appellations religieuses désignant les salafs. On a abordé le sens linguistique du mot salaf. On a abordé le sens religieux de ce terme-là. Et à présent, nous abordons la mention de certaines appellations religieuses désignant les salafs. Quiconque se propose de parcourir les paroles des gens de science, de savoir, se rendra compte qu'ils ont utilisé d'autres appellations dont la portée est identique à celle de ce noble nom. Il ne faut comprendre en aucun cas de cela qu'il y ait une quelconque divergence entre elles, car ces appellations sont toutes issues de textes qui en font mention. Donc ce sont des appellations qui sont différentes, mais qui désignent la même chose. Parmi ces appellations, les adeptes de la Sunna et du groupe Unis sur la Vérité, Ahl Sunnati wal Jama'a. Et on a expliqué hier pourquoi traduire Al Jama'a par Unis sur la Vérité. On a expliqué que ce terme-là, Al Jama'a, bien qu'il désigne le groupe, il vise ici notamment le groupe de ceux qui sont unis sur la vérité. Pour preuve, le fait qu'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, disait faire partie de la Jama'a, faire partie du groupe de Jama'a, c'est être en conformité avec la vérité, même si tu es tout seul. Même si tu es tout seul. Donc on comprend de là que ce qui est visé par ce principe de groupe, c'est le fait d'être uni sur la vérité. Et même si tu es tout seul, le fait que tu sois sur la voie de la vérité fait que tu es le représentant de ce groupe. Donc parmi ces appellations, Ahl Sunnah wal Jama'a, les adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité. Ahlul Hadith, les adeptes du Hadith. Ahlul Athar, les adeptes du Athar, sachant que le terme Athar est probablement ici un synonyme du terme Hadith. Le terme Athar a plusieurs acceptions, accepte plusieurs sens, significations, qui sont bien sûr liées, mais qui divergent quelque peu selon le contexte, et ici, en l'occurrence, ça a un sens large, qui est synonyme donc du hadith. Également, Al-Firqatu An-Najiya, le groupe sauvé, Al-Ta'ifatu Al-Mansoura, la faction secourue, Al-Ghuraba, les étrangers. Autant d'appellations qui désignent une seule et même chose. Donc ils sont appelés Ahl Sunna wal Jama'a, les adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité. L'imam Sufyan al-Thawri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, comme on peut notamment le trouver dans Sharh Usul i'tiqad Ahl Sunna de l'imam al-Lalaka'i, lorsque tu entends parler d'un adepte de la Sunna en Orient et d'un autre en Occident, fais-leur parvenir ton salam et invoque en leur faveur, car il n'y a pas plus rare que les adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité. Le Cheikh de l'Islam, Ahmed Ibn Abdel Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Al-Istiqama, la Sunna est liée à l'unité comme l'hérésie est liée à la dissension. C'est ainsi que l'on dit les adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité, alors que l'on dit les adeptes de l'hérésie, les partisans de l'hérésie et de la dissension. Il a également dit qu'Allah lui fasse miséricorde dans un autre passage, qu'on peut le trouver dans Al-Majmour, en déterminant qui sont les adeptes de la Sunna, ce sont ceux qui sont attachés à ce qui est présent dans le livre d'Allah et la Sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et à ce sur quoi se sont accordés les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont convenablement suivis. Fin de ses propos, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a également dit, dans un autre passage, la voix des adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité est ancienne et était connue avant même qu'Allah ne crée Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmed, car c'est la voix des compagnons qui l'ont appris de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui contredit cela, il est hérétique aux yeux des adeptes de la Sunna. Du fait qu'ils soient appelés les adeptes du Hadith, les adeptes du Athar, il faut savoir que cela est présent, comme je l'ai dit, dans les paroles des ulama, notamment celles de l'imam Ahmed d'Al-Bukhari et d'autres. L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, comme on le trouve dans Al-Majmou', la voix des adeptes du Hadith, de la Sunna et du groupe uni sur la vérité. Puis il mentionna leur voix. Il les a donc qualifiés d'adeptes du Hadith, de la Sunna et membres du groupe uni sur la vérité. L'imam, le grand érudit Abu Hatim al-Razi, disait, sois bien attentif à cette parole, barakallahu fik, au-delà du fait qu'elle indique cette appellation-là, elle contient un enseignement très important, surtout à notre époque. L'imam, le grand érudit Abu Hatim al-Razi, disait donc, on compte parmi les signes distinctifs des hérétiques le fait qu'ils critiquent de manière acharnée les adeptes du athar. Et on peut retrouver cela notamment dans Aqidat al-Salaf, Sahab al-Hadith, ainsi que dans Sharh Usul al-Iqtiqad d'Al-Lalakai. Al-Khatib, qu'Allah lui fasse miséricorde, a recueilli dans Sharaf Ashab al-Hadith, avec une chaîne de transmission authentique, qu'Ahmad ibn Sinan al-Qattan a dit, il n'est pas dans ce bas monde d'hérétique sans qu'il ne déteste les adeptes du Hadith, car lorsqu'un individu innove en religion, la douceur du Hadith est ôtée de son cœur. Allah nous en protège et nous en préserve. La cause de cette appellation était expliquée par l'érudit Al-Lalakai, comme on peut le trouver dans Sharh Usul I'tiqad Ahl-Sunnah. En effet, il a dit, puis, quiconque adopta une voie s'affilia à celui qui la fonda et se rallia à son idéologie, excepté les adeptes du hadith, car leur guide est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, c'est à lui qu'ils s'affilient et à son savoir qu'ils adhèrent. C'est sur lui qu'ils se basent, vers lui qu'ils se réfugient, et c'est son avis qu'ils prennent en compte et adoptent. C'est d'ailleurs de cela dont ils sont fiers. Et ils se vantent de la proximité qu'il y a entre eux et lui face aux ennemis de sa sunna. Qui donc rivalise dans la noble mention qui est faite d'eux? Et qui les concurrence sur le champ d'honneur et à propos de l'éminence de leur affiliation? En effet, leur nom est puisé des sens du livre et de la sunna et fait référence à ces derniers, du fait qu'ils les appliquent et se particularisent par le fait de s'y rallier. Ainsi, ils balancent dans leur affiliation au hadith, d'une part, entre la mention qu'a faite Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, lorsqu'il dit « Allah anzala ahsan al-hadith kitaban mutashabih » Allah a fait descendre le plus beau des discours, un livre, surat Az-Zumar, verset numéro 23. Donc d'une part, balance entre la mention que fait Allah dans son livre lorsqu'il dit « Allahu nazzala ahsan al-hadith » Allah a fait descendre le plus beau des discours, d'autre que le Qur'an. Ainsi, ils sont les porteurs du Coran, ses adeptes, lecteurs et gardiens. Et d'autre part, entre le rattachement au hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car ils sont également ses représentants et propagateurs. À partir de là, aucun doute qu'ils méritent amplement ce nom, du fait qu'ils ont concrétisé ces deux principes, et que nous reconnaissons que c'est d'eux que les gens apprennent le livre et la sunna, et que c'est sur eux qu'ils se basent pour en connaître l'authentique. Et le shir de l'islam, en fin de citation, le shir de l'islam a dit, nous ne visons pas seulement par les adeptes du hadith, ceux qui se contentent de l'écouter, l'écrire et le rapporter, plutôt nous visons par eux quiconque serait plus à même de le mémoriser, le connaître, le comprendre et l'appliquer, aussi bien dans ce qui est apparent que dans ce qui ne l'est pas, de même pour les adeptes du Coran. Et on peut retrouver cette parole-là dans Majmou'a Fatawa Sheikh Islam, et on peut également revenir à la Wami al-Anwar al-Safarini. Du fait qu'ils soient appelés le groupe sauvé, le Firqatu Nadia, ainsi que la faction secourue, al-Ta'ifatu al-Mansoura, pour savoir que cela a été relaté dans le célèbre hadith de la division. Les enfants d'Israël se sont divisés en 71 factions, et ma communauté se divisera en 72. Toutes sont en enfer sauf une, et c'est le groupe uni sur la vérité. On peut consulter l'étude qui a été faite de ce hadith dans la thèse de magistère du frère Ahmed Sardar, qui est intitulée Al-Mabahith Al-Aqadiyya fi Hadith Iftiraq Al-Umam, imprimé par le Bureau de la Recherche Scientifique de l'Université Islamique. Dans ce livre-là, l'auteur a étudié, donc a fait une étude de ce hadith au niveau de ses différentes versions, de ses différentes chaînes de transmission, et également il a tiré les enseignements que l'on peut retenir de ce hadith, et ce en trois gros en trois gros volumes. C'est un livre très instructif. Et vous pouvez donc notamment retrouver cette version que vous avez entendue, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté se divisera en 60, en 72, et dans d'autres c'est en 60, 73, comme vous le savez certainement. C'est un hadith qui est connu et reconnu, qui est établi et authentique, contrairement au dire de ceux qui ont prétendu sa faiblesse. Mention en effet également, c'est-à-dire cette appellation, dans le hadith de Muawiyah radiallahu anhu qui a précédé: une partie de ma communauté ne cessera d'être secourue dans son attachement à la vérité. L'érudit al-Lalaka'i a dit dans Sharh i'tiqad al-Sunnah wal-Jama'a, volontairement, il y a certains textes, certaines références qui sont citées dans le corps du texte, donc forcément je les lis. Et parfois elles sont citées en notes de bas de page, et je les mentionne également car il est important, barakallahu fikum, que l'on connaisse les ouvrages écrits par les ulama de l'islam, par les ulama de la sunna, ces livres références. C'est important qu'on les connaisse. Sharh usul i'tiqad ahl sunna wal jama'a, peut-être qu'on va être amené à le citer à plusieurs reprises. Ce sont des livres très importants. Les recueils de hadith, al-Bukhari, de Muslim, Abu Daoud, de Tirmidhi, النسائي ابن ماجه المسند الإمام أحمد الموطأ الإمام مالك نعم en termes de hadith ainsi que les autres livres, les authentiques d'Ibn Hibban, les authentiques d'Ibn Khuzaima, les Sunan de Darimi et les autres livres. Parmi les livres de hadith, les livres qui sont plus spécifiques au dogme, نعم الإبانة الكبرى الإبانة الصغرى d'Ibn Battah, شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي الشريعة الآجري et ainsi de suite. Parmi ces livres-là qui sont très importants, que l'on se doit donc de connaître, on se doit de connaître ces références-là pour savoir d'où vient ce dogme-là, cette croyance. Et c'est donc notamment pour cela que quitte à me répéter, je cite à chaque fois ces noms de livres. C'est inévitable lorsque c'est dans le corps du texte, mais parfois je le cite, bien que ce soit en note de bas de page, afin que l'on s'habitue à ces noms-là, à les entendre, et pour pouvoir y revenir au besoin. Donc l'érudit al-Lalaka'i a dit dans ce livre, « Sharh i'tiqad al-Sunna wal-Jama'a » Elle est donc la faction secourue et le groupe sauvé, ainsi que l'unité juste et bien guidée qui est attachée à la sunna. Mais dites donc, Allah te garde sur ces nobles et éminentes caractéristiques. Le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans l'introduction d'Al-Wasitiyya, en outre, voici la croyance du groupe sauvé et secouru jusqu'à l'avènement de l'heure, des adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité. Et le professeur de nos enseignants, le grand savant, Hafid al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son ouvrage bénéfique intitulé Ma'arij al-Qabul. Ma'arij al-Qabul, c'est là aussi un livre grandiose, bien qu'il ait été écrit récemment, durant le siècle dernier. C'est le commentaire fait par l'auteur du poème intitulé Sulam al-Wusul. Sulam al-Wusul, c'est un poème qui a trait au dogme, qui a trait au monothéisme. Et c'est un poème magnifique et qui a été commenté par son auteur dans un livre également magnifique intitulé Ma'arij al-Qabul, que l'on peut trouver donc édité notamment en trois volumes. Donc il a dit, nous est parvenu le récit du véridique et digne de confiance, mentionnant que le groupe sauvé est celui de ceux qui cheminent sur la voie qu'il a empruntée, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, ridwanullahi alayhim. Du fait qu'ils soient appelés les étrangers, al-ghuraba, le célèbre hadith authentique des étrangers n'est inconnu d'aucun sunnite. L'islam a commencé étranger, et il redeviendra étranger comme il a commencé. Que la meilleure annonce soit donc faite aux étrangers. C'est un hadith qui est recueilli par Muslim dans son authentique, et il existe beaucoup de hadiths traitant du sujet, qui peuvent être consultés dans les ouvrages s'y référant l'imam, Soufiane Thawri, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Soyez bons envers les adeptes de la sunna, car ils sont étrangers. » Et vous pouvez le trouver dans « Sharh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah ». Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait en commentant ce hadith dans « Madarij al-Salikin ». « Madarij al-Salikin », c'est un livre écrit donc par Ibn al-Qayyim, un commentaire d'un livre d'un savant qui l'avait précédé. C'est un commentaire contenant un certain nombre de corrections. Et ce livre-là, qui est un livre assez conséquent en termes de volume, c'est un livre qui traite du verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Le quatrième verset de la sourate Al-Fatiha. « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous cherchons, l'aide. Cela te montre donc l'importance de cette sourate. Si ce savant-là a écrit tout un livre uniquement sur un seul de ces versets, alors qu'en est-il de cette sourate dans son intégralité? En achevant son explication, le noble cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Ce que nous venons de présenter comme explication de cette sourate n'est équivalent qu'à une goutte dans un océan. » Cela te montre donc l'importance de cette sourate. L'importance de cette sourate, le fait que l'on doive impérativement lui accorder une grande attention en termes de mémorisation et de correction de sa récitation, barakallahu fik. Ne sois pas négligent à ce sujet. D'ailleurs, je vous invite à tous à vous assurer de votre récitation, de la validité de votre récitation de la sourate al-Fatiha. C'est quelque chose de très important. Orientez-vous vers des frères qui sont spécialisés dans la lecture et la récitation du Coran, qui maîtrisent la récitation du Coran et qui sont aptes à l'enseigner et à corriger les récitations pour vous assurer que vous récitez bien cette sourate. Car dépend de la récitation de la sourate de la Fatiha la validité de la prière. Il est possible que certaines personnes voient leur prière invalide du fait qu'elles commettent des erreurs dans leur récitation de la Fatiha qui sont telles qu'elles remettent en question la validité de leur prière. C'est là quelque chose de très important. Et également donc au niveau l'apprentissage des sens que contient cette sourate que l'on récite chaque jour au minimum une vingtaine de fois. Je dois donc chercher à comprendre ce qu'elle signifie. Et ensuite, tu te dois de chercher à traduire cette connaissance-là par une mise en application. Chercher à œuvrer en conséquence. Mettre en pratique les enseignements contenus dans cette sourate. C'est là quelque chose de très important, ça fait partie des fondamentaux. Et il est un point que je voulais aborder hier, et j'ai omis de le faire. Et ici l'occasion se présente, bien que ce ne soit peut-être pas directement lié, mais j'en profite car c'est là quelque chose de très important. Nous avions eu avec un certain nombre de frères, Allah yahfadhum, le privilège d'assister à certains cours du noble cheikh, le défunt Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ce peu de temps avant sa mort, peut-être approximativement deux ans avant sa mort. Et on avait assisté à plusieurs cours. Il avait enseigné donc notamment le livre Six fondements du cheikh de l'Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab et également Usul al-Dawawit fi takfir de son petit-fils, le cheikh Abdel Latif ibn Abdel Rahman ibn Hassan, Ali Sheikh, Et à la fin, nous a été rapporté par le Cheikh Fawaz Al-Madkhali, à savoir le beau-fils du Cheikh Zayd, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous a été rapporté que le Cheikh était résolu et déterminé lors du dernier cours à demander à deux étudiants parmi ceux qui assistaient au cours, à deux étudiants, un parmi les arabes et un parmi les non-arabes, leur demander donc de réciter la sourate de la Fatiha. Et son beau-fils, le Cheikh Fawaz, donc lui disait « Cheikh, je crains que tu les mettes dans la gêne, car tout musulman à la base est censé savoir réciter la Fatiha, et eux ce sont des étudiants, parmi eux, donc il y en a qui sont des étudiants, il y en a même qui sont peut-être avancés dans les études, je ne sais pas comment ils vont prendre la chose, peut-être qu'ils vont être gênés. » Et le Cheikh donc lui disait non, allez, il est dans le sens où il voulait, par cette action-là, montrer l'importance du fait de revenir aux fondamentaux. Montrer l'importance du fait de revenir aux fondamentaux, s'assurer de connaître les bases de cette religion avant de chercher plus loin. Et vous connaissez tous la parole d'Ibn Abbas concernant Al-Alim Al-Rabbani, le savant éducateur, pédagogue. Ibn Abbas a dit que le savant pédagogue, savant éducateur, Al-Alim Al-Rabbani, c'est celui qui enseigne aux gens les points rudimentaires de la religion avant d'aborder avec eux les sujets qui sont plus complexes. C'est là quelque chose de très important. Et j'insiste sur cela car on peut constater à notre époque, y compris de la part de certains frères qui pourtant n'ont pas accès à la langue arabe, qu'ils accordent de l'importance à des sujets qui les dépassent, alors que peut-être qu'ils n'ont pas cherché avant cela à maîtriser des sujets beaucoup plus basiques et fondamentaux, et donc dont l'apprentissage passe avant et beaucoup plus obligatoire. Et tu les trouves parfois donc à entrer dans des sujets que forcément ils ne maîtrisent pas, étant donné qu'ils n'ont pas maîtrisé ce qui devait précéder l'apprentissage de ces points-là. Et bien souvent, ils en arrivent à se fourvoyer et à tomber dans des erreurs, certains étant plus graves que d'autres. Donc il est important de revenir à ces fondamentaux-là. D'ailleurs, si vous retournez à ce livre très important, savoir Durus al-Muhimma, les leçons importantes du Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, vous vous rendez compte que la première des leçons, ça concerne justement la sourate de la Fatiha, ainsi que les courtes sourates du Coran, à partir de Al-Zalzala jusqu'à An-Nas, en termes de mémorisation, en termes de correction de la récitation, et également d'apprentissage des sens qu'elles contiennent. Barakallahu fikum. Donc nous en revenons à cette parole d'Ibn al-Qayyim, après cette parenthèse, à laquelle nous sommes arrivés par la mention donc, du livre Madarij al-Salikin. Et dans ce passage-là, l'imam Ibn al-Qayyim a commenté le hadith des étrangers. Le hadith des étrangers, donc, celui dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé, que la meilleure annonce soit donc faite aux étrangers. » Et donc Ibn al-Qayyim a dit « Les véritables croyants au sein des musulmans sont étrangers. » Les gens de savoir parmi les croyants sont étrangers, et les adeptes de la sunna qui la distinguent des passions et hérésies parmi eux sont étrangers. Et ceux qui y appellent et endurent face aux préjudices causés par ses opposants sont encore plus étrangers. Mais ce sont eux qui sont véritablement fidèles à Allah Donc, aucune étrangeté ne les touche. Et leur étrangeté n'est que relative à la majorité à propos de laquelle Allah a dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Surat Al-An'am, verset numéro 116. Ceux-là sont donc les étrangers d'Allah, de son messager et de sa religion. Et leur étrangeté les met à part, même s'ils sont connus et que les gens se tournent vers eux. Ainsi, l'étrangeté est de trois sortes. L'étrangeté des fidèles d'Allah, de la sunna et de son messager au milieu de l'humanité. Et elle est celle dont les adeptes ont été loués par le messager d'Allah. Il a entre autres informé du fait que la religion avec laquelle il s'est présenté a débuté étrangère et qu'elle le redeviendra comme elle a commencé et que ses adeptes deviennent étrangers. En outre, cette étrangeté peut survenir dans un endroit, une époque ou un peuple, alors qu'elle n'en touchera pas d'autres. Cette étrangeté donc peut être relative et toucher certains des adeptes de la vérité dans un endroit à une période donnée, sans pour autant toucher de la même manière en tout cas d'autres adeptes de la vérité qui ne vivraient pas dans le même endroit ou durant la même époque. Cependant, ce qui se particularise par cette étrangeté sont les véritables intimes d'Allah, car ils n'ont pas désiré autre que lui, ne se sont pas affiliés à autre qu'à son messager, et n'ont pas appelé à autre qu'à sa voix. Parmi les caractéristiques de ces étrangers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envié, l'attachement à la sunna lorsque les gens s'en détournent. Et le délaissement de ce que ces derniers ont innové, même si c'est ce qui est connu parmi eux. De même que la purification de leur monothéisme, c'est-à-dire l'adoration exclusive d'Allah Azza wa Jal. Même si la plupart des gens le réprouvent, ainsi que l'absence d'affiliation à autre qu'Allah et à son messager, ni shaykh, ni voix, ni école, ni groupe, y étant étrangers. Ces étrangers se réclament plutôt d'Allah et ceux en lui vouant exclusivement le culte, ainsi que de son messager sallallahu alayhi wa sallam, en ne suivant que sa voix. Ceux-là sont ceux qui saisissent réellement la braise, en référence à un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Ibn al-Qayyim va citer ultérieurement. Ceux-là sont ceux qui saisissent réellement la braise, alors que la plupart des gens, ou plutôt tous, autant qu'ils sont les critiques, ainsi, à cause de leur étrangeté parmi la masse, ils sont considérés marginaux, hérétiques ou encore dissidents dans la grande majorité. Mais l'islam, auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons adhéraient, est de nos jours encore plus étranger qu'à son apparition. Et ce, même si ses principes et grandes lignes sont visibles et reconnus. Car le vrai islam est on ne peut plus étrange. Et ses adeptes sont des étrangers parmi les gens. Et comment ne formerait-il pas un seul groupe peu nombreux et étranger parmi 72 groupes dotés de partisans, bénéficiant de hauts postes et fonctions, dont les intérêts ne résident que dans l'opposition à la voix du messager? En effet, l'essence même de son message contredit totalement les passions trompeuses et jouissances dans lesquelles il baigne, de même que les ambiguïtés et passions qui représentent pour eux le summum du mérite et le but suprême visé par leurs œuvres, ainsi que l'assouvissement de leurs désirs qui est leur objectif. Comment le croyant qui chemine vers Allah, en cherchant à se conformer à ses ordres, ne serait-il pas étranger au milieu de ces gens qui ne font que suivre leurs passions et obéir à leur avarice, et qui sont tous autant qu'ils sont éblouis par leurs propres opinions, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ordonnez le convenable et condamnez le blâmable. » Puis lorsque vous verrez que l'avarice est obéie et la passion suivie, que ce bas monde est mis en avant et que chacun est ébloui par sa propre opinion, et lorsque tu verras des situations dans lesquelles tu ne peux rien faire, alors préoccupe-toi de ta propre personne et méfie-toi du commun de ces gens-là, car il y aura après vous des périodes durant lesquelles l'endurance de celui qui en fera preuve sera comme celle de celui qui se saisit d'une braise. Plus loin, Ibn al-Qayyim a dit, ainsi si le croyant, à qui Allah a donné de la clairvoyance dans sa religion et une certaine compréhension de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de son livre, et à qui il a fait prendre conscience de ce que les gens suivent réellement comme passion, hérésie, égarement et déviance du droit chemin, sur lequel cheminait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, souhaite emprunter cette voie, alors qu'il habitue son âme à affronter les choses suivantes. La personne qui veut suivre cette voie, sachant qu'elle n'a pas d'autre choix, si elle veut obtenir l'agrément d'Allah, azza wa jal. La personne qui souhaite emprunter cette voie, cette personne, ce croyant à qui Allah aurait donné de la clairvoyance dans sa religion, une certaine compréhension de la sunna de son messager et de son livre, et à qui il aurait fait prendre conscience de ce que les gens suivent réellement comme passion, hérésie, etc. Qu'il souhaite emprunter cette voie, qu'il habitue son âme d'ores et déjà à affronter les choses suivantes. La critique et le dénigrement venant des ignorants et autres hérétiques, ainsi que le fait qu'il cherche à éloigner les gens de lui et à les mettre en garde contre lui, comme le faisaient leurs ancêtres mécréants avec leur modèle et imam. Et s'il s'aventure, c'est-à-dire en plus de cela, ce croyant dont on parle, à qui Allah Azza wa Jal a octroyé cette compréhension, cette clairvoyance et cette connaissance du vrai et du faux, et qu'il donc entame son cheminement sur cette voie-là, qu'il habitue d'ores et déjà son âme à la critique et au dénigrement venant des ignorants et autres hérétiques. Et s'il s'aventure à les appeler, en plus de cela, en plus d'y adhérer lui-même et de mettre tout cela en pratique et de cheminer sur cette voie, si en plus de cela il s'aventure à les appeler à la voie qu'il suit et qu'il critique la leur, c'est comme si c'était pour eux l'avènement de l'heure qui s'était présenté. Il fera alors preuve d'une animosité sans pareil envers lui et lui tendront des pièges et rassembleront les cavaleries et infanteries de leur leader, c'est-à-dire Satan. Il est donc étranger dans sa religion, du fait de la fausseté de leurs pratiques religieuses. Étranger dans son attachement à la sunna, du fait qu'ils sont attachés aux hérésies. Étranger dans sa croyance, du fait de la fausseté de leurs croyances. Étranger dans sa manière de prier, du fait de la manière exécrable qu'ils ont de le faire. Étranger dans la voie qu'ils suivent, du fait de la fausseté des voies qu'ils suivent. Étranger dans ce à quoi ils s'affilient, du fait de la fausseté de ce à quoi ils s'affilient. Étranger dans la manière qu'il a de se comporter avec eux, du fait qu'il ne va pas dans le sens de ce qu'ils attendent de lui. En somme, il est étranger dans les affaires de sa religion et de sa vie terrestre. Il ne trouve parmi la masse aucune aide ni assistance. Il est un savant au milieu d'ignorants, un partisan de la sunna au milieu d'hérétiques. Il appelle à Allah et à son messager, alors que ceux qui l'entourent appellent aux passions et hérésies. Il ordonne le convenable et condamne le blâmable au milieu de gens pour qui le convenable est blâmable et le blâmable convenable. Fin de citation, et je vous invite à compléter la lecture de ce passage tiré de ses propos, c'est-à-dire des propos de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Madarij al-Salikin. Et quant à nous, on va s'en tenir à cela pour aujourd'hui. Et nous compléterons cela demain si Allah Azza wa Jal nous le permet et facilite. Allahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.